La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que se passe-t-il selon Jérôme Ferrari ? Une fois n'est pas coutume, je ne commencerai pas notre conversation scientifique de ce samedi en lisant quelques lignes destinées à poser une question ou à définir un sujet de discussion particulier. Car aujourd'hui, je vais être très direct. Jérôme Ferrari est en face de moi, il est professeur de philosophie et romancier, il a obtenu le prix Goncourt en 2012 pour le Sermon sur la chute de Rome et il publie ces jours-ci un recueil de chroniques intitulé « Il se passe quelque chose ». D'où la question que j'ai envie de lui poser, peut-être la seule, nous verrons bien. Que se passe-t-il donc, selon vous, Jérôme Ferrari ? Mais d'abord, je dois lui dire bonjour. Bonjour Jérôme Ferrari. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans la conversation scientifique, où il est rare que nous recevions des romanciers. Et donc, vous publiez un recueil de chroniques qui sont parues dans La Croix, dans le journal La Croix, entre janvier 2016 et le début juillet 2016. Donc, une vingtaine de chroniques au total. Oui. Et qui me semble indiquer que vous n'aimez pas trop l'air du temps. Vous trouvez que nous cédons trop aux passions tristes, selon Spinoza, qui sont la jalousie, le ressentiment, la peur. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Parce que si j'avais aimé davantage l'air du temps, j'aurais pas accepté de les écrire, ces chroniques. Parce que je suis pas complètement persuadé qu'en général le rôle d'un romancier soit d'écrire des chroniques ou bien d'investir le champ politique. Je dis pas que c'est interdit, mais moi c'était pas quelque chose qui me tentait. Mais on a dû vous chercher donc. Ouais, oui, mais là j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que justement l'ambiance me semblait notamment après l'année 2015 qu'on venait de vivre absolument détestable et que je me sentais peut-être plus que je l'avais été depuis longtemps, en tout cas touché par des questions politiques, et que donc il me semblait que là j'aurais quelque chose à dire. Voilà. Beaucoup de ces chroniques étaient en effet politiques, beaucoup d'autres portent sur la question du langage, le fait que le langage trahit le réel ou l'ignore. Mais c'est une question politique. La question du langage. Oui, je pense pas que les chroniques puissent être qualifiées de politiques au sens où je défendrais telle ou telle prise de position économique ou idéologique. Mais il se trouve que pendant que j'écrivais les chroniques, je faisais cours en lettres supérieures sur le mal. Et donc j'ai beaucoup travaillé à Hannah Arendt. Et chez Hannah Arendt, la question du langage est une question éminemment politique. Et notamment la manière dont le langage se vide de sa substance, perd son enracinement dans la référence aux choses, est utilisé dans le slogan ou dans le cliché comme une coquille vide qui a donc plus de rapport avec la réalité. Et ça, pour Hannah Arendt, c'est une dimension du langage qui a à voir avec l'exercice du pouvoir totalitaire. Oui, vous la citez là dans la première chronique d'ailleurs, non plutôt dans la préface. Dans la préface, pardon. Ouais. Vous citez un extrait de son livre Le totalitarisme où il écrit ceci. Le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existe plus. Tout est dit. 1951, je crois, ou 50... Oui, c'est ça, c'est 51. Et moi, relire cette phrase en ce moment, je trouve ça un peu atterrant, parce que... Alors, à l'époque où j'ai terminé d'écrire ces chroniques, Donald Trump n'était pas encore président, mais on peut au moins remercier sa porte-parole d'avoir porté le problème qui m'intéressait à la lumière dans une très très grande pureté quand elle a pu parler publiquement de alternative facts, de faits alternatifs. Alors ça a provoqué quand même de très nombreuses ventes du livre d'Orwell 1984, ouais. Dans lequel, un peu comme Hannah Arendt, il décrit le monde totalitaire et il montre que, en effet, la vérité y est toujours mise en question, Ce n'est pas seulement que les hommes politiques des régimes totalitaires recourent occasionnellement aux mensonges, puisqu'ils en font presque partout, c'est plutôt que la distinction entre vérité et mensonge, vérité et fiction, devient superflue dès lors qu'elle est mise en face d'exigences purement pragmatiques d'utilité et de convenance. C'est pourquoi, écrit Orwell, dans ces régimes, la science n'est plus invulnérable aux attaques idéologiques et la notion d'information objective y perd son sens. L'histoire est réécrite en fonction des besoins du moment et les découvertes de la biologie ou de la physique peuvent elles aussi être niées si elles sont jugées inappropriées. Lorsqu'il advient cet état des choses constitue ce que l'on pourrait appeler le triomphe cognitif du totalitarisme, on ne peut même plus l'accuser de mentir puisqu'il réussit à abroger l'idée même de vérité. Ça reprend presque exactement ça fait écho en tout cas très précisément à ce que dit Hannah Arendt. C'est l'abolition d'une frontière. C'est ce sur quoi travaille aussi le livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich, parce que il serait quand même pas naïf au point de penser que on arrive à une époque où le mensonge fait irruption dans le discours politique ou dans le discours des médias ou de certains. Ça évidemment non. Le problème c'est que il peut être dénoncé sans que ça ait la moindre conséquence, parce que justement c'est cette distinction entre la vérité et le mensonge qui est brouillée et qui a plus la moindre importance. Moi ça me paraît être un fait majeur et extrêmement inquiétant. Vous dites quelque part, et ça d'ailleurs c'est presque un leitmotiv dans vos chroniques, le réel n'intéresse pas grand monde. Ben oui, ça me paraît clair. À quoi doit servir le langage selon vous, à nous rapprocher du réel tel qu'il est? Ben, à ne pas mentir. Nous rapprocher du réel tel qu'il est, n'exagérons rien. Bon, je ne vais pas tout de suite rentrer dans des questions ontologiques. Au moins, une expression de Wittgenstein, au moins être un tableau d'un état de choses, d'un état de choses possible, ce serait déjà pas mal. Or, c'est pas le cas. Alors, il y a même des manières de manier l'hyperbole qui font que le langage veut plus rien dire du tout. Je pensais notamment à l'emploi un peu enthousiaste qui a été fait de la notion d'assassinat politique il y a pas très longtemps. Enfin, voilà, un tel degré d'exagération, ben on veut rigoureusement plus rien dire. Et moi, je suis en train de j'ai l'impression que je suis en train de subir une espèce de profonde mutation de mes propres références philosophiques, parce que il se trouve que j'ai jamais eu une très très grande sympathie pour les positivistes du cercle de Vienne, et que maintenant, je commence à les trouver très très sympathiques, et que la question qu'est-ce que tu veux dire avec tes énoncés me paraît vraiment pertinente et nécessiterait d'être posée un peu plus souvent. Alors, vous êtes professeur de philosophie en Hippocagne à Bastia, je crois. Oui. Vous êtes romancier. Ouais. Alors, vous citez très souvent dans vos chroniques des philosophes, je parlais de Clément Rosset ouais. Tout à l'heure, et d'ailleurs il est un peu le sujet de la deuxième chronique, dont le titre est « La déchéance et son double ». Comme beaucoup d'autres, vous avez été énervé par le projet de réforme de la Constitution qui proposait qu'on accorde, si j'ose dire, une déchéance de la nationalité aux binationaux qui étaient soupçonnés d'avoir participé à des entreprises terroristes. Oui, alors je vais essayer moi-même d'être précis dans le maniement des mots. J'ai été indigné, en fait, vraiment. Ça me paraissait vraiment indigne. C'était une mesure qui était, primo, tout le monde le sait, parfaitement inutile et inefficace. Elle pouvait avoir, on a parlé de son importance symbolique, soit... en tout cas menacé de déchéance de nationalité des gens qui de toute façon se considèrent pas comme appartenant à la communauté du pays qui figure sur leur passeport, hein, ça peut pas vraiment les effrayer. Bon, c'était pas fait pour ça, nous dit-on, d'accord. Mais quand même, donc ça pouvait être efficace contre qui? Ben justement contre les gens qui eux n'avaient rien à se reprocher, mais se trouvaient être binationaux, et donc étaient menacés eux spécifiquement en tant que binationaux d'une mesure qui ne concernait pas les autres citoyens français. C'est-à-dire que moi je ne suis que français, j'aurais pu Bah, je peux partir en Syrie, je sais pas moi, injurier les couleurs ou le président de la République, alors il peut m'arriver des bricoles, mais on pourra pas m'enlever ma nationalité française. Enfin, c'est une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi qui est indigne, et en plus, on le sait d'avance, pour rien, pour aucun résultat tangible. Le comble étant atteint quand ils ont reformulé la loi. C'est là qu'intervient Clément Rosset. C'est là qu'intervient Clément Rosset, parce qu'il y a il a écrit un livre très très intéressant, comme tous ses livres d'ailleurs, qui s'appelle Le réel et son double, où il décrit un mécanisme spécifique de l'illusion, qui consiste simplement à renommer une réalité désagréable en croyant qu'on l'a changée ou qu'on l'a supprimée. Alors il donne un exemple dans Proust, qui est très drôle, hein, où Swann, qui est en train de signer son chèque mensuel à Odette, se demande si ce serait pas par hasard une femme entretenue, et puis il est subitement frappé par cette idée horrible qu'une la définition même d'une femme entretenue, c'est la femme à qui on fait un chèque tous les mois pour l'entretenir. Et puis il sépare très vite les deux faits pour dire que non, elle n'est pas du tout entretenue, et puis il lui remet son chèque tranquillement. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec la déchéance de nationalité, puisqu'ils ont refait, je crois, une deuxième formulation en disant qu'elle devait concerner tout le monde et pas simplement les doubles nationaux. Mais comme il est impossible de créer des apatrides, elle continue. C'était en fait exactement le même texte. C'était exactement le même texte avec. En tout cas, il avait les mêmes implications. Moi, j'ai été sidéré de voir la presse commenter le changement du texte. Il n'y avait pas de changement de texte. C'est simplement, les implications pratiques étaient rigoureusement les mêmes. Alors, l'idée de base, si j'ai bien compris, de Clément Rosset, c'est que le réel est idiot. Il n'y a rien de plus à en dire que le fait qu'il est réel. Oui. Mais on est tenté de le dédoubler. Constamment par la science, par la morale, par la... Parce que cette simplicité du réel est trop indigeste. Hein. D'ailleurs, le livre qu'il a fait, qui est sous-titré sur le réel, je crois, s'appelle Traité de l'idiotie. La simplicité, hein, au sens de idiotesse en grec. Mais est-ce qu'il n'y a pas la même chose chez vous? On sent dans votre façon d'écrire le fait que vous tenez à appeler un chat un chat, en toutes circonstances, et à déjouer tous les tours de passe-passe par lesquels on voudrait le transformer en souris ou en singe. Ah ben oui, je crois que ça, c'est le type d'engagement moral qui est dans le langage, qui tient qu'à ça. Hein, à au moins un contact. Alors peut-être évidemment pas immédiat, mais avec les choses. Et est-ce que pour vous, Jérôme Ferrari, écrire une chronique, c'est comme jeter des phrases entre le monde et soi-même? Est-ce que vous vous investissez dans l'écriture autant que pour un roman, par exemple? J'ai l'impression que ce sont des chroniques très travaillées. Ah oui, c'était ça m'a demandé du travail. Alors c'est pas une là c'était même pas une question de conscience professionnelle. Il se trouve que plus je vieillis, moins j'ai de facilité à écrire, et plus ça me demande vraiment vraiment du travail. Et puis là, mais vous avez eu le prix Goncourt beaucoup trop jeune. Voilà, c'est ça. Et puis là, il y avait quand même quelque chose d'autre, qui est que je tenais pas du tout à écrire des billets d'humeur. J'aime pas ça, j'aime pas l'exercice. Je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereusement narcissique. Et donc quasiment toutes mes chroniques sont construites à partir d'une référence philosophique ou littéraire. Ce qui me permettait à la fois d'essayer de comprendre quelque chose et puis de me mettre à distance de ma propre spontanéité, quoi. Et d'essayer de travailler un peu à partir de la pensée des autres et avec la pensée des autres. Alors, je voudrais vous faire parler un peu plus de la langue, parce que j'ai noté que vous avez un point commun avec Barbara Cassin, la philosophe que nous avons reçue récemment pour parler de la traduction, qui nous a dit détester les éléments de langage. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour vous. Ah ben, je suis un grand admirateur du travail de Barbara Cassin. Elle a fait un petit livre récemment qui s'appelle La nostalgie, dans laquelle on trouve une analyse vraiment remarquable du rapport entre langue et politique chez Hannah Arendt. Je pense qu'elle qualifie les éléments de langage d'ignominie ou de choses de ce genre-là. Et là, je suis entièrement d'accord. Alors, il y a quelque chose qui dépasse mon entendement. C'est que normalement, les stratagèmes de communication, les de mise en œuvre d'éléments de langage, je croyais que pour être efficace, ça devait être invisible. Mais non. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que c'est des éléments de langage et ça continue à avoir une certaine efficience. Alors là, il y a quelque chose qui, pour moi, dépasse un peu le... Est-ce que vous êtes sûr que dès qu'on les détecte, ils continuent à avoir la même efficacité? Mais maintenant, je commence à le craindre, oui. Je commence à le craindre. Alors, je voulais vous faire réagir à une définition de l'acte d'écrire par José Ortega y Gasset, qui dit ceci. Pourquoi écrire si on ne donne pas à cette opération bien trop facile, qui consiste à faire courir une plume sur le papier, un certain risque tauromachique, si on ne s'approche pas d'affaires risquées, mouvantes, à deux cornes? Vos chroniques sont très engagées, et on sent que chez vous, il y a cette prise de risque qui a dû vous valoir un certain courrier de la part des lecteurs. Oui, je suis pas entièrement satisfait de la manière dont je les ai écrites, parce que parfois je trouve que je suis un peu trop, que ce que j'écris est un peu trop peut-être agressif ou combatif. Mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Et oui, j'ai reçu parfois un certain courrier de lecteurs. Alors pas pour, c'est toujours étonnant. Alors j'ai reçu beaucoup de courriers qui étaient sur le ton de la discussion ou de la confrontation d'idées, qui était très bien. J'ai reçu quelques lettres qui étaient excessivement agressives, et de manière assez symptomatique d'ailleurs, c'est beaucoup de ces lettres agressives me reprochaient d'avoir écrit quelque chose que j'avais pas écrit. c'est toujours le réel et son double, voilà, c'est ça. Donc j'ai fini par m'y faire, et puis j'ai pu mesurer. J'ai eu une petite surprise, parce que j'ai fait des chroniques sur l'Algérie, mais il y a 7 ans maintenant, j'avais écrit un roman sur la guerre d'Algérie, et les rencontres que j'avais fait avec le public après c'était extrêmement bien passé, si bien que j'avais fini par croire que peut-être le sujet s'était un peu apaisé. Mais j'ai fait 2 chroniques dans La Croix qui parlaient sur la torture et sur la guerre d'Algérie, et le courrier que j'ai reçu m'a montré qu'en fait c'était pas si apaisé que ça. Alors vous connaissez la règle dans l'émission, un morceau de musique choisi par l'invité, en l'occurrence vous. Le premier est une chanson écrite et chantée par un prix Nobel de littérature. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, I can hear them tribes mourning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues Blind Willie McTell de Bob Dylan. Pourquoi ce choix, Jérôme Ferrari? C'est vraiment une chanson que j'adore. C'est pas une des plus connues de Bob Dylan. Elle a la particularité de parler d'un chanteur de blues alors que la chanson elle-même n'est pas un blues. Et puis le texte de la chanson est particulièrement beau. Et on se dit que peut-être que le type qui a écrit ça, il a peut-être pas complètement volé son prix Nobel de littérature. Ça vous a surpris? Oui, bien sûr, comme tout le monde, ça m'a surpris. Mais vous trouvez ça rétrospectivement légitime? C'est quand même pas indigne, le chef de Bobby Lane, mais bon. On va continuer à parler un petit peu encore du langage. Vous consacrez une chronique dans ce recueil qui s'intitule « Il se passe quelque chose » à la réforme de l'orthographe. Vous êtes pour, vous êtes contre? Vraiment, moi, j'ai pas de religion là-dessus. Hein. Enfin, c'est vrai que les bizarreries de la langue française ont été quasiment sciemment choisies à un moment donné que rationalité anène, rationnel deuxen. Qu'il y a quand même des choses qui sont dans l'orthographe française comme dans l'anglaise. D'ailleurs, je pense que ça doit être les deux pires qui sont complètement incompréhensibles. Alors évidemment, moi je suis comme tout le monde, je suis attaché à mes petites habitudes et ça me plaît pas l'idée que la manière dont j'écrivais les choses change. Mais c'est pas un argument très très fort, ça. Hein. C'est purement affectif. Maintenant, je suis pas sûr que des petits replâtrages comme ça soient bien utiles. Mais bon, j'ai pas vraiment pas de conviction à ce sujet-là. Vous parlez très peu de science dans ces chroniques, mais vous le faites quand même à l'insu de votre plein gré. Oui. Est-ce que vous savez que dans la chronique numéro 7, qui s'intitule Le chef, le buffet et la baie, vous parlez du boson de Higgs? Ah non, je ne le savais pas, non. Je croyais parler de Nicolas Sarkozy. Oui, ça se passe à Alger. Vous êtes invité à une réception donnée par l'ambassadeur de France en novembre 2006, dans les jardins de la Villa des Oliviers. C'est Alger, ça. C'est la résidence de l'ambassadeur de France à Alger. C'est un très très bel endroit. Et voilà comment vous décrivez le moment où arrive le ministre de l'Intérieur. Il était en retard comme doivent l'être les chefs. Nos regards délaissaient de plus en plus souvent la baie pour s'attarder douloureusement sur les petits fours et les bouteilles de single malt inaccessibles. Soudain, un frisson authentiquement érotique parcourut la foule. Quelque chose d'invisible a traversé autour de moi, elle se pressait sous l'action d'une mystérieuse force de gravité. On voyait seulement avancer une vague de chair humaine, d'où émergea enfin, telle une Vénus en costume de soie, le ministre de l'Intérieur qui se hissa derrière le pupitre et commença son discours. Fin de citation. Or, il existe un physicien qui s'appelle David Miller, qui est spécialiste des particules élémentaires, qui a comparé le boson et le mécanisme de Higgs à un cocktail réunissant les membres d'un parti politique. Le champ de Higgs est comparé au groupe de personnes qui, au départ, remplissent un salon de manière uniforme. Et lorsqu'une personnalité politique très connue entre dans le salon, elle attire les militants autour d'elle, ce qui lui donne une masse importante. C'est grâce à ce champ que les particules élémentaires initialement sans masse acquièrent leur masse. Et là, vous décrivez parfaitement le mécanisme de Higgs induit par Nicolas Sarkozy, qui se trouve avoir là une fonction quasiment cosmologique. Ah, c'est très drôle que, enfin, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce soit justement cette image-là qui soit utilisée comme métaphore, enfin comme modèle de l'acquisition de la masse. Mais c'est y a quelque chose d'assez. Moi, j'étais toujours frappé par ces. Dans la scène que je décris, c'était la première fois que je voyais ça. Moi, on était invités à la soirée de l'ambassade parce qu'on était prof au lycée français d'Alger et voilà, on faisait partie de la communauté française. On avait été invités, mais on était un peu à l'écart et c'était bien et surprenant pour moi d'assister à cette. C'est ça, j'ai parlé de force de gravité, ben c'est ça. C'est voilà. Et puis j'étais un peu déçu de voir de tous ces gens qui avaient des responsabilités se comporter avec une servilité réjouie qui était assez étonnante à voir. On va complètement changer de sujet, Jérôme Ferrari. Je voudrais savoir pourquoi vous détestez les toilettes sèches dont vous dites qu'elles sont une invention du démon. Je sais pas, les premières que j'avais vues, c'était au Festival du Vent de Calvi. Et j'en sais rien, ça doit être une histoire dont je pourrais trouver le fameux mot par la psychanalyse. Mais elles sont à l'origine de l'événement qui a donné son titre à votre recueil de chroniques. Oui, je sais ça. Oui. C'est quoi? C'était l'arrivée d'Alain Finkielkraut à Nuit Debout et le fait qu'il la petite altercation qui s'en était suivi, et le lendemain, si je m'en souviens bien, il avait dit « Tout le monde s'en fout de Nuit Debout ». Donc il faut absolument y aller. Ce qui m'avait quand même paru étrange, parce que je me suis dit que c'était un drôle de raisonnement de se dire « Tiens, il se passe quelque chose dont je me fous complètement, et il faut donc que j'y aille ». Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux qui ont l'air de ne pas vous plaire non plus? Non, alors à chaque fois que j'exprime ça, je me fais l'effet d'un affreux réac, mais enfin, comme c'est ce que je pense, je vais le dire, j'arrive vraiment pas à voir du tout le moindre avantage aux réseaux sociaux, mais vraiment pas le moindre. Mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que l'idée de vérité disparaît, vous dites. Il me semble que les réseaux sociaux ont contribué à faire apparaître un phénomène encore plus préoccupant que l'incapacité à juger. Une indifférence à la vérité, assumée, totale, innocente, qui constitue le système de ce que Simone Weil aurait appelé, en utilisant les termes chrétiens qui seuls conviennent ici, une épouvantable maladie de l'âme. Vraiment, même d'un point de vue pédagogique, en ce moment, je me demande comment on peut faire, par exemple en cours de philosophie, peut-être à l'aide de la logique, pour essayer d'analyser, je sais pas, ce qui relève de la théorie du complot. Et en fait, je crois qu'on peut pas, parce que c'est pas une affaire de logique. Quelqu'un donne une nouvelle sur une page Facebook. Le fait que on dise et qu'on prouve que la nouvelle est fausse ne change rigoureusement rien au comportement de ceux qui veulent la croire vraie. Alors, ils vont pas dire mais si c'est vrai. Et ils vont dire oui, mais ils vont répondre mais oui, mais c'est pas grave parce que et renvoyer à autre chose. Et bon, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, je pense. Vous avez dit tout à l'heure que la plupart de vos chroniques sont inspirées par des textes philosophiques ou littéraires. Et en l'occurrence, ce que vous venez de dire avait été prédit par Nietzsche. Dans Humain trop humain, il y a un petit paragraphe qui s'intitule L'avenir de la science, qu'il termine de la façon suivante. Bientôt, le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope, alors c'est pas la même, défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force? C'est-à-dire qu'on décrète vraies les idées qui nous plaisent. Bien sûr. Les informations qui vont dans le sens. Bien sûr, oui. Ça, c'est une énorme et magnifique intuition de Schopenhauer. Dans ses termes, lui, il dit que l'entendement, en temps normal, est au service de la volonté. C'est-à-dire que notre exercice du jugement sur le vrai et le faux, il n'est pas fait, pense Schopenhauer, pour s'exercer d'une manière objective et contrôlée, mais parce que il a une certaine efficacité dans la manière dont on cherche à réaliser nos désirs. Et il faut donc un effort extrêmement pénible et contre-intuitif pour libérer et rendre autonome l'usage de l'entendement. Mais en ce moment, il a un peu perdu son autonomie. Mais Jérôme Ferrari, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes professeur de philosophie en Hippocagne à Bastia. Est-ce que les réseaux sociaux, leur puissance actuelle, changent la façon d'enseigner la philosophie pour vous? Alors non. Alors à moins que je sois vraiment complètement à côté de la plaque, j'ai pas senti d'influence. Mais en même temps, je suis dans une classe, j'enseigne une discipline un peu technique, hein, et je sais pas moi comment ce que font mes élèves en dehors de ça. Mais j'ai pas encore vu de comment dirais-je, d'invasion d'une espèce de pensée complètement irrationnelle ou dans les copies. Je crois qu'il y a une raison à ça, c'est que quand on fait un devoir, quand on est élève et qu'on fait un devoir de philosophie, le désir rentre assez peu là-dedans. Et donc quand il y a moins de désir, c'est plus facile d'avoir un entendement autonome. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors Jérôme Ferrari, je voudrais qu'on parle d'un livre que vous avez écrit alors en 2015, qui s'intitule Le Principe, qui est consacré à un des pères fondateurs de la physique quantique, qui s'appelle Werner Heisenberg, qui est né en 1901, qui est mort en 1976, qui a été à l'origine de principes fondamentaux de la physique quantique. Notamment, il a énoncé le principe d'incertitude, qu'on appelle aussi le principe d'indétermination. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage ? Personnellement, je me suis intéressé aussi aux pères fondateurs de la physique quantique, Dirac, Pauli, Schrödinger, Einstein, Gamow, Majorana et quelques autres. Mais justement pas Heisenberg. Et c'est en lisant votre livre que j'ai compris que j'avais raté quelque chose. Il ne me paraissait pas sympathique. Oui, moi, il me paraissait sympathique pour une... En fait, comme il se trouve qu'il a beaucoup écrit de textes non techniques sur la physique quantique, quand j'ai commencé à rencontrer la physique quantique pendant mes études en épistémologie, j'avais vraiment beaucoup lu Heisenberg. On avait commencé par physique et philosophie. La partie et le tout, je l'ai lu plus tard. Le premier livre que j'ai lu, c'était physique. C'était physique et philosophie. Après, j'ai beaucoup essayé de comprendre cette chose étrange qu'était la physique quantique au niveau où je pouvais la comprendre moi, c'est-à-dire au niveau des concepts qu'elle mettait en œuvre. Heisenberg, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté. Bon, bien sûr, j'ai lu aussi les autres, et Schrödinger. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais ce qui m'intéressait dans l'interprétation de Copenhague, elle m'a vraiment intéressé au moment où j'ai compris que c'était qu'elle reposait chez Heisenberg et chez Bohr sur une analyse du rapport entre le langage et la réalité. Et que c'était vraiment pour eux la clé de cette interprétation. C'est écrit, je ne sais pas pourquoi il m'a fallu 15 ans pour comprendre ça, parce que c'est écrit en toutes lettres dans Physique et Philosophie que c'est un problème de langage, mais les textes de Heisenberg sont pas très très... Ils sont plus faciles que ceux de Bohr, mais oui, ça reste... Dire qu'un texte est plus facile qu'un texte de Bohr, c'est pas... Bohr disait à ses étudiants, si vous m'avez compris, c'est que j'ai pas été clair. Il le répète à une phrase de Jean Heisenberg. Après, ils ont fait Bohr a fait une conférence devant les philosophes du Cercle de Vienne. Et, qui ont été impassibles. Et Bohr dit Heisenberg à la fin, ils ont pas du tout eu l'air effarés, j'ai pas dû être clair. c'est cette histoire de langage. Et moi, le projet de roman était au départ pas du tout sur la personnalité de Heisenberg ou les polémiques sur son rôle précis pendant la montée du nazisme et dans le programme nucléaire nazi. C'était ça qui m'intéressait. C'était le rapport entre les mots et les choses. Donc la position de Heisenberg dit que la physique quantique nous paraît nécessairement pleine de paradoxes. Parce que les concepts qu'on utilise pour décrire le niveau de réalité auquel on a accédé ne correspondent plus à l'ontologie de ce niveau de réalité. Et qu'en même temps, on ne peut pas en utiliser d'autres. Et Heisenberg ne pense pas du tout qu'on peut affiner les concepts ou changer de langage. Ou changer de langage ou même changer de logique. Je ne suis pas... Je sais pas ce qu'il aurait pensé ou ce qu'il a pensé des logiques dans lesquelles il n'y a pas seulement de valeur. Si notre langage est inadéquat par rapport au réel, on peut pas changer de langage, donc émergent des paradoxes quand on veut décrire exact. Ce réel-là. Voilà. Et alors après, comment on fait? Parce que alors là, la conviction de Bohr et de Heisenberg, c'est que faire de la physique, ça revient à discuter entre nous du résultat de nos expériences et donc à utiliser le langage. Qui est celui des langues naturelles, éventuellement rendu plus précis parce que pour eux il y a pas de rupture entre le concept du langage naturel et le langage de la physique classique. Il y a juste une différence de degré dans la précision, mais pas de nature, parce que cette différence de nature ne peut pas intervenir, parce que il s'agit de notre langage à nous et de notre pensée à nous, et qu'on doit penser dans ces termes-là qui sont fondamentalement impropres. Et donc il y a cette idée que je trouve assez magnifique. Et qui, à mon avis, rend largement compte, dans un sens, de l'obscurité des textes dont on parlait il y a 2 minutes, c'est que je ne peux pas parler directement de ce dont je parle, il faut que j'en parle de manière inadéquate, imparfaite, en tournant autour, en signalant à chaque fois que je me suis exprimé de manière inadéquate, et que si on m'a compris littéralement, en fait, on ne m'a pas compris, évidemment, tout ça ne rend pas les textes très clairs. C'est vrai, parce que vous le racontez dans ce livre qui s'intitule « Le principe », est-ce que c'est vrai que vous avez été interrogé lors d'un oral d'agrégation de philosophie sur le principe d'incertitude de Heisenberg? Absolument, c'est faux, c'est complètement faux. Pourtant, ça a l'air autobiographique. Non, ça l'est pas du tout. Il y a un narrateur dans ce roman, alors j'ai... C'est pas vous. En fait, je me suis un peu amusé parce que il parle de. Vous avez un double. De quatre endroits du temps et de l'espace, et qui sont des endroits du temps et de l'espace qui sont les miens. Mais ce qu'il dit et ce qui lui arrive, il n'y a rien qui m'est arrivé. Et donc, il y a une sorte de dédoublement. Clément Rosset. Il y a une sorte de dédoublement. Vous connaissez l'anagramme de Clément Rosset, qui critique l'idée de double. Oui. Clément Rosset, ça donne c'est le monstre. C'est votre monstre qui a parlé là, peut-être. Voilà. J'ai jamais été interrogé sur. Ce qui est vrai, c'est qu'on l'étudiait effectivement en épistémologie, mais j'ai pas passé d'oral sur Heisenberg. Mais c'est dommage parce que dans beaucoup de livres de philosophie, de manuels, il me semble qu'il y a un contresens sur le sens du principe d'incertitude. On dit, en physique quantique, il est démontré qu'il est impossible de mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Sous-entendu, qu'on la connaît. La particule a ses deux propriétés, oui. Mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les mesurer. Alors que le vrai sens de ce principe, c'est qu'une particule quantique n'est pas un corpuscule. C'est-à-dire, elle n'a pas ses propriétés qui sont celles qu'on attribue au corps en physique classique. Et donc, on c'était une époque, 1927, on présentait la physique quantique comme une évolution et non pas comme une révolution. C'est-à-dire, on dit, finalement, les objets quantiques sont les mêmes que les objets classiques, c'est des corpuscules, mais on peut moins bien les connaître qu'avant. Heisenberg le dit lui-même. C'est vraiment dommage que ce soit le terme de principe d'incertitude qui soit passé à la postérité, qui soit le plus couramment employé, parce qu'évidemment, il renvoie à notre connaissance. Il dit que ça limite. On le présente comme une limitation de notre pouvoir de connaître. Bien sûr, principe d'indétermination est beaucoup mieux, parce qu'il a une. Là, il renvoie pas à la connaissance, il renvoie aux choses. Il montre que c'est la mesure qui détermine les propriétés. Heisenberg dit lui-même que ce qu'il dit est à la limite entre l'épistémique et l'ontologique, et que donc c'est pas simplement une question de ce que je connais. Mais en même temps, lui-même donne des exemples, notamment dans physique et philosophie, qui sont très simples à comprendre, mais qui induisent que c'est une question de connaissance. Et il faut continuer à lire après, parce qu'il rajoute que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il vient de dire. Mais toute cette affaire est quand même un peu compliquée. Mais ce contresens-là, en fait, je crois qu'il y a une raison très simple pour laquelle il est fait par tout le monde, c'est qu'il est beaucoup plus facile à comprendre que ce que dit vraiment le principe, qui est pas compliqué, mais qu'on a affaire à quelque chose qui, justement, a pas le caractère minimal de ce que nous, on appelle une chose. Voilà. C'est-à-dire des déterminations objectives, bien déterminées à tout moment. Et vous êtes devenu, Jérôme Ferrari, accro à la physique quantique? Ça vous a passionné? Immédiatement. Vous avez lu ça comme un pensum? Je suis devenu immédiatement accro à la physique quantique. Dès que j'ai compris l'expérience des fentes de Jung, faite avec un électron, je me suis dit, il faut que je comprenne ce truc-là, parce que c'est pas possible. Et donc depuis mon année de licence, j'ai jamais cessé de travailler le sujet. Et vous êtes un romancier qui est donc devenu compétent en physique quantique, et pas seulement, vous êtes compétent en physique nucléaire également. Compétent, je suis pas compétent. Si dans le livre raconté la découverte de la fission de l'uranium-235. Oui. Mais c'est des compétences qui justement peuvent être celles d'un romancier. Moi, mon grand regret, c'est que je dois m'arrêter dès qu'on arrive au formalisme mathématique. Et donc je sais que à cause de ça, ce que je rate est sans doute l'essentiel. Mais enfin, moi, j'ai travaillé pour comprendre tout ce que moi je pouvais comprendre au niveau conceptuel. Après, j'ai dû travailler sur la fission nucléaire pour le roman. Mais c'est quand même ça a été moins long. Si j'avais dû travailler ma compréhension de la physique quantique pour le roman, et qu'elle datait pas de mes années de licence, j'aurais pas pu écrire le roman. J'aurais absolument pas eu le temps de me renseigner suffisamment pour écrire le roman. Avec la fission nucléaire, c'était un peu plus facile. Et puis j'ai quand même fait une erreur. Où ça? Je l'ai corrigé. j'avais dit que la fission de l'uranium donnait deux atomes de barium. Ah oui, mais c'est pas dans le texte, ça a été corrigé avant la publication. Ça a été corrigé grâce à vous. C'est un atome de barium et un atome de krypton, mais c'est pas très grave, ça change pas le truc. C'était, voilà. Bon, écoutez, c'est le moment de la deuxième pause musicale et nous allons écouter In the Dark Places de P.G. Harvey. Our face. PJ Harvey in the Dark Places. J'avoue que je ne connaissais pas ce morceau. Pourquoi ce choix, Jérôme Ferrari? PJ Harvey a pour moi la voix la plus émouvante du rock féminin, une technique vocale. C'est vraiment la seule raison, c'est mon amour immodéré pour ce qu'elle fait et spécialement pour cette chanson. Et le titre a joué un rôle dans ce choix, In the Dark Places? Sans doute, oui. Elle parle de jeunes gens qui se cachent dans la boue et dans les endroits sombres avec des armes, une espèce de vision apocalyptique, et le fond et la forme collent bien ensemble. On revient à Heisenberg, Werner Heisenberg, ce physicien qui a été l'un des pères fondateurs de la physique quantique, qui a travaillé avec une intensité qui est discutée au projet de la bombe atomique allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quel jugement moral vous portez sur lui? Est-ce qu'à votre avis, son cas est simple? Non, son cas est pas... Ou est-ce que c'est un homme indéterminé comme son principe exige? Son cas n'est évidemment pas simple. J'ai une conviction subjective sur ce qu'il faut penser de son comportement, tout ce que j'en pense moi, mais je la vis que comme une conviction subjective. C'est-à-dire que je me rends bien compte que une opinion opposée est tout à fait défendable et peut être tout aussi étayée. Mais ce qui est vraiment vraiment intéressant, c'est qu'on a quand même un cas assez rare où, à partir des mêmes éléments factuels, on peut tirer deux interprétations qui sont pas seulement différentes, mais absolument contradictoires. Et qui sont toutes quantiques. Et qui sont toutes les deux cohérentes. Alors quelle est la première? Quelle est la première, à partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire sa décision de rester en Allemagne au moment où ses collègues physiciens le supplient de venir travailler aux États-Unis. Je crois qu'il rentre. Il rentre des États-Unis en 1939, juste avant la déclaration de guerre, et il rentre en Allemagne et va rester en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Le fait qu'il accepte de devenir membre de ce qui s'appelle le club Uranium, avec Carl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn, et qui est, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis avec le projet Manhattan, pas du tout concentré dans un endroit, mais qui est disséminé dans plusieurs laboratoires entre différentes équipes qui sont en compétition. Ça on le sait. L'essai de mettre au point un réacteur nucléaire qui manque d'ailleurs les tuer à un moment, ça s'est avéré. Et ce qui est avéré aussi, c'est que quand les Américains arrivent en 1945 en Allemagne, le réacteur ne marche toujours pas. Voilà, on le sait. Alors, et on sait aussi que en 1942 ou 43, lors d'une réunion avec les responsables allemands, Heisenberg dit que la bombe atomique est possible, mais que c'est pas envisageable que ce soit fait avant la fin de la guerre. On sait aussi qu'il demande assez peu de crédit pour les recherches. Voilà. Alors évidemment, l'interprétation numéro un, c'est qu'on peut supposer que c'est un type sans conscience, hein, qui travaille pour son gouvernement et se trouve très content d'être nommé directeur d'un projet, ce qui est possible. L'interprétation que j'exclus, parce qu'elle colle pas du tout, c'est celle qui serait encore plus extrême en faisant un nazi convaincu qui travaille par idéologie. Ça, franchement, correspond pas du tout à ce qu'on sait de lui. Pour l'interprétation opposée, on peut avoir l'idée que, le réacteur n'a pas marché parce qu'ils ont pas voulu qu'il marche et qu'il a été, en quelque sorte, saboté volontairement de l'intérieur. Ce que je crois pas non plus. Est-ce que, contrairement à ce qu'on lit partout, Heisenberg n'a jamais dit après la guerre? J'ai regardé encore la dernière fois sa page Wikipédia. Il y a écrit que c'est la version qu'il a présentée après la guerre. C'est tout simplement faux. La version qu'il a présentée après la guerre et celle-ci, c'était: on était sûr qu'on pouvait pas faire la bombe atomique. Voilà. Point. Et donc notre échec vient du fait qu'on n'avait pas pensé que c'était possible, et que nous, et dit-il, on n'a pas eu à aucun moment à se poser de questions morales sur est-ce qu'il fallait la faire ou pas, parce que de toute façon c'était impossible. Voilà. Pourtant il a fait partie des 10 savants allemands qui ont été arrêtés par les Américains quand les Américains sont entrés en Allemagne. Ouais. Transporté jusqu'en Angleterre, enfermé, retenu dans une ferme dont les murs étaient truffés de micros pour entendre leurs discussions. Oui, ils n'étaient pas enfermés, ils étaient traités. Ils avaient la belle vie. Mais coupés de tout lien avec leur famille, etc. Et leur réaction au moment où ils apprennent par la BBC que la bombe américaine a été larguée sur Hiroshima puis 3 jours plus tard sur Nagasaki, on entend leur réaction. Ah, c'est quand même un document absolument exceptionnel. Oui, et est-ce que ça éclaire le choix qu'on pourrait faire entre les deux thèses que vous avez évoquées? Eh bien, on pourrait le croire, mais non. Parce que on peut faire une retranscription d'enregistrement avec quelques erreurs. C'est absolument passionnant, on les entend quand même discuter toute la nuit du 6 août sur ce qui vient de se passer, hein. Ça commence par c'est le capitaine qui doit les surveiller demande à Otto Hahn qui est donc le découvreur de la fission avec Lise Meitner de le suivre. Il lui sert un verre et il lui explique qu'une bombe atomique est tombée sur Hiroshima et Otto Hahn s'effondre, hein. il dit qu'il est un criminel, que c'est à cause de lui que des centaines de milliers de gens sont morts, et ça c'est absolument raconté par le capitaine qui dit qu'il ne doute pas une seconde de sa sincérité, puisqu'il doit le faire asseoir et le réconforter en lui servant encore du gin pour qu'il soit capable d'annoncer ça aux autres. Quand il annonce ça aux autres, Heisenberg le premier dit que c'est pas possible, que c'est pas vrai, que c'est une intox des alliés, ou que c'est une grosse bombe chimique dont on fait croire qu'elle est atomique mais qu'elle a rien à voir avec l'atome. Et puis après, c'est confirmé par la BBC et il commence à se demander comment ils ont fait. Tout le monde dit heureusement qu'on travaillait sur un réacteur et pas sur une bombe. Mais après ils disent oui, mais si on avait voulu travailler sur une bombe, on aurait aussi réussi à savoir comment faire. Alors d'autres disent oui, mais de toute façon on n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout parce que les Américains nous auraient tués, ou Hitler nous aurait tués parce qu'on n'aurait pas été assez vite. Et mon interprétation de ce que je dis, c'est que j'ai une espèce de chaos dans lequel se mêle une réelle horreur pour ce qui vient de se passer, quelque chose qui est une blessure d'amour propre assez considérable, comme physicien et comme allemand. Il y a Gerlach dit à un moment que c'est que les Américains ont exploité sans vergogne une invention allemande. C'est très compliqué tout ça. Alors par contre, il y a quelque chose donc qui est très intéressant, qui moi m'a paru intéressant, c'est Heisenberg dit à un moment, ils n'ont jamais pu avoir une tonne d'uranium de 135. Comme s'il supposait qu'il fallait une tonne d'uranium de 135 pour faire la bombe atomique. Et d'ailleurs, il s'était trompé sur le calcul de la masse critique. Et là, Otto Hahn lui dit, mais pourquoi vous parlez d'une tonne? Vous m'aviez dit 30 kilos. Et Heisenberg dit oui, mais on verra plus tard et change de sujet. Évidemment, quand on lit ça, on se dit, il s'est trompé sur la masse critique, il s'est pas trompé. Alors après, il cesse de se tromper après 2 heures de calcul, hein. Il revient en disant, je me suis peut-être trompé sur le libre parcours moyen. Et puis, si on mettait un réflecteur, on pourrait éviter que les neutrons s'échappent de la sphère. Voilà. Donc, ça veut dire peut-être qu'il n'imaginait pas que la big science, au sens américain du terme, soit possible. Parce que pour créer cette masse critique de l'uranium, les Américains ont mobilisé des moyens considérables. Et ça, ils s'en rendent compte assez vite. Ils disent, ils ont dû mettre plus de monde là-dessus que les Allemands en ont mis sur les V2. Ils réalisent assez vite que c'est un projet d'une ampleur qui est inimaginable. Et eux, ils travaillent vraiment de même. Ils ont vraiment travaillé pendant les 5 ans en Allemagne d'une manière qui est quasiment, par rapport aux Américains, qui est néolithique. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors j'en reviens à vos chroniques, Jérôme Ferrari, qui s'intitule « Tant qu'il se passe quelque chose ». Pourquoi vous l'avez arrêté? Enfin, je vous pose la question, mais en même temps, vous dites pourquoi dans la dernière chronique, numéro 22, vous dites « Je crois qu'il est prudent de ne pas poursuivre l'exercice auquel je me suis livré avec beaucoup de plaisir trop longtemps. Si l'on s'acharne, on court le risque de se forger imperceptiblement au fil des semaines un avis sur tout et de se persuader que cet avis, lequel ne peut bien entendu manquer de passionner la Terre entière, et de se croire le seul légitime. » J'avoue que cette perspective m'épouvante, tout comme celle proprement insoutenable de me réveiller un matin avec le désir irrépressible de m'acheter une écharpe rouge que je porterai en toutes circonstances. Pouvoir me taire lorsque je n'ai rien à dire est un luxe auquel je ne peux me résoudre à renoncer tout à fait. C'est la vraie raison ? C'est là, l'écharpe rouge, ça désigne qui? Christophe Barbier. Pourquoi? Il parle de tout? Ah oui, tout le temps, oui. C'est très admirable. Oui, il y avait une raison plus triviale que je dois indiquer, c'est que ça me demandait vraiment beaucoup de travail et que à un moment le rythme hebdomadaire était peut-être sans doute trop soutenu pour moi, mais ce que je dis là aussi est une raison plus profonde et tout aussi réelle. Il se trouve que pendant les 6 mois qu'a duré ma collaboration avec La Croix, j'ai jamais eu à me demander tiens de quoi je vais parler la semaine prochaine. Mais quand on doit rendre une chronique à un rythme hebdomadaire, il y a un moment inévitablement où on doit se poser cette question et où on doit se résoudre à parler d'un sujet dont on n'aurait pas nécessairement parlé. Et je crains que si on continue l'exercice, ce type de fonctionnement devienne quasiment instinctif. constructif et que effectivement on finisse par penser qu'on a quelque chose à dire sur tout et sur n'importe quoi, et ça c'est et ça ça je veux pas, parce que mais si on fait parce que si on fait ça, je crois vraiment qu'on va on retombe dans un des usages du langage que je voudrais éviter à tout prix. Mais si par exemple on vous demandait deux chroniques pour les semaines qui viennent à propos de la politique, de la campagne présidentielle, vous choisiriez quel sujet? Quelles sont les choses qui vous préoccupent? Parce qu'on voit bien que ce sont toujours des sujets de préoccupation, c'est pas du tout des billets d'humeur. Comme... Bah là, ce qui me préoccupe, et si moi c'est je pense que c'est l'affaire Fillon. Je passe de d'effarement en effarement. Parfois je rigole, enfin un rire un peu amer quand même. Quand j'entends dire passons à autre chose pour parler politique. Mais si la probité d'un homme politique dans l'utilisation de l'argent public n'est pas un sujet politique, et pas un petit sujet politique, un sujet politique majeur, hein, qui engage le sens des institutions, la confiance que les gens peuvent avoir dans ceux qu'ils ont élus, ça me paraît être un sujet politique majeur. J'ai pas envie qu'on change de sujet. Et le fait que tout puisse se passer comme ça, sans plus de remous, me paraît vraiment incroyable. Est-ce que vous pensez que d'une façon plus générale, en sortant de l'affaire Fillon, il y a une crise du politique, une crise de la politique, de la façon de la faire, de la proposer, de la vivre, de l'alimenter en idées? Il y a, au niveau petite politique, comme on dit en Corse, politique et au niveau petite politique, il semblerait qu'on assiste quand même à une espèce d'implosion simultanée. C'est quoi la petite politique en Corse? C'est l'expression corse, mais elle n'est pas propre à la Corse. La politique politicienne. Mais c'est dit sans mépris. Hein, mais voilà, l'organisation des partis, les tactiques électorales, c'est ça qu'on appelle la petite politique. Bon, on assiste à l'implosion de la gauche et de la droite, mais c'est pas ça qui me. Je crois que vraiment qu'il va falloir. Pas s'en remettre à des comités d'éthique ou de déontologie, mais faire en sorte que le mélange des genres comme ça ne soit plus possible. Mais je pense que ce serait bien, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça arrive? J'ai fait référence à un texte dont j'ai pas mal parlé dans mes chroniques, celui de Simone Veil, qui s'appelle L'Enracinement, et qui est un texte qui propose des principes de fonctionnement de la vie politique qui sont d'une justesse et d'une justice absolue, qui a été écrit à Londres en 43, et qui, d'ailleurs, les Français de Londres n'ont pas du tout fait cas de ce qu'elle écrivait, qui était trop considéré comme trop extrême, etc. Mais elle dit quelque chose que je cite à un moment dans une de mes chroniques, je ne sais plus laquelle, et qui prend vraiment tout son sens maintenant. Elle dit que pour compenser l'inégalité inévitable de l'organisation sociale, il faut, au niveau pénal, que ceux qui ont le plus d'avantages et aussi le plus de responsabilités. Et que tous les gens qui sont des manœuvres, dit-elle, sachent que, en cas de problème, ou s'ils commettent une faute, ils seront punis moins sévèrement que leur patron. Et qu'à chaque fois, le rang dans l'échelle sociale doit être systématiquement considéré comme une circonstance aggravante. Elle a écrit ça en 1943. En 1943. On peut mesurer à quel point elle a été entendue. Est-ce que vous avez quel âge, Jérôme Ferrari? 48. 48, est-ce que vous êtes tenté par l'engagement politique? Non, absolument pas. Non. Et pourtant, on vous sent obsédé par la politique. Ah, mais parce que c'est l'affaire de tout le monde, la politique. Après, l'engagement, aller se présenter à une élection, c'est pas l'affaire de tout le monde. Moi, c'est pas un milieu qui attise mon désir. Voilà, j'ai pas envie. Moi, je suis très bien là où je suis. J'aime bien enseigner. Puis j'ai vraiment une sainte horreur de la compétition. Et ça semble pas être une vertu adéquate pour se lancer en politique. Vous avez beaucoup vécu à l'étranger. Oui. Aujourd'hui, vous vivez en Corse. Mm. Qu'est-ce qui vous retient en Corse? C'est de l'ordre d'un attachement qui cessera jamais. Ça veut pas dire que je suis enfermé sur cette île, hein. Je l'ai quitté plusieurs fois. J'ai été travailler dans des lycées français à l'étranger deux fois. Mais à chaque fois que je suis parti, je savais que c'est là que je reviendrai. J'ai pas une vision idyllique de ce qui s'y passe. Hein. J'ai l'impression que l'ambiance sociale et politique est aussi détestable en Corse qu'elle l'est à peu près partout en Europe en ce moment. Mais c'est chez moi. C'est là. Et puis c'est un amour un peu compliqué. Dans quel sens ? C'est parce que c'est pas un amour aveugle, voilà. je peux pas prétendre que tout soit louable et qu'il y ait pas de problème. Mais il me semble qu'un amour est d'autant plus solide qu'il est moins aveugle. Mais vous n'hésitez pas à vous compliquer la vie. Vous habitez à Ajaccio, vous faites cours à Bastia. Et oui, je sais d'expérience qu'en train, c'est pas facile. Non, en train, c'est pas facile. Je crois qu'on a la ligne de train la plus lente de toute l'Europe occidentale, puisqu'on a le train Ajaccio-Bastia met 4 heures pour faire 150 km. Comment faites-vous? En bateau? J'y vais en voiture et je maudis la nature géologique de la Corse, hein, qui fait que c'est très beau, mais au niveau des transports, c'est un peu compliqué. C'est une montagne entourée de mer. Et voilà. C'est ça qui fait son charme. Merci Jérôme Ferrari d'être venu à cette conversation scientifique. Vous m'avez convaincu qu'en effet, il se passe quelque chose. Et je recommande donc la lecture de votre livre qui porte ce titre. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac. Ensuite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.